Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission El Banger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble dans une nouvelle émission enregistrée en différé, toujours avec du contenu inédit cependant, avec encore une belle rafale de nouveautés dans l'émission de ce soir. Pas beaucoup de tendresse ni d'intelligence d'ailleurs dans ces petites nouveautés. Nous aurons deux nouvelles formations venues du Royaume-Uni qui officient dans un style hardcore Gultrip Grove Street. Nous aurons les Suisses de Storturn, les Français de Karas, les Polonais de Membrane, et voilà, quelques autres formations qu'on prendra le temps de s'égrener tout au long de l'émission de ce soir. Et voilà, avec ces nouveautés, on retrouvera des diffusions des semaines précédentes. Léon, la fatigue est déjà grande, pourtant. Dying Fetus, voilà, histoire de se mettre une bonne baffe et de se réveiller tout en douceur. L'ouverture de l'émission de ce soir, le monstrueux groupe du Maryland, groupe de Brutal Death Grind qui nous sort un magnifique, parfait, une fois de plus, nouvel effort studio, Make Them Beg for Death, toujours dans leur écurie fétiche Relapse Records. On s'écouterait le titre Rise in Victory. Aid in Defeat, voilà, toujours ce subtil équilibre entre violence et groove au niveau de Dying Fetus. Gultrip en doublette avec les Américains, première doublette dans l'émission de ce soir. Severance, c'est le nom de leur premier album studio, une sortie sur le label Malevolent Music. Coucou les gars de Malevolence. Troisième effort studio, c'est le nouvel album. C'est le troisième. Un EP 5 titres est sorti il y a 2 ans, 12 titres pour une trentaine de minutes là ce soir. Le dernier tiers de l'album, perso, me dérange un petit peu, un peu trop de chant clair à mon goût. À côté de ça, par contre, musicalement, et le reste de l'album est terriblement efficace à mon goût pour Gultrip. Dying Fetus, les présentations sont déjà faites, Gultrip, on vient de se les faire, Eyes Wide Shut, le titre de Gultrip, et c'est parti tout de suite dans l'émission de ce soir, bienvenue. Feel the air, Suivante, tout en classe, en crasse et en noirceur, Primordial Rorqual. Qu'est-ce qu'on peut dire pour présenter cette doublette? Eh ben, tout d'abord, Primordial, l'ultra classieux groupe de Celtic Black, Heavy Folk, qui nous vient d'Irlande, qui sort là son 10e effort studio actif depuis une trentaine d'années. Voilà, ce nouvel effort studio fait suite 5 ans et demi après le précédent Exile Among the Rings. Voilà, première fois qu'il y a un si grand écart entre deux sorties studio pour Primordial. 65 minutes, un album très généreux. Les morceaux, pour la plupart, mettent du temps à se mettre en place, mais ça nous offre des intros, des outros et des séquences instrumentales ultra épiques et prenantes. C'est hyper viscéral, et puis la prestation vocale de Alan est toujours aussi mélancolique et rageuse. C'est absolument parfait. À noter le départ d'un des gratteux juste avant l'enregistrement, et le groupe évolue maintenant donc à une seule guitare. Voilà, Primordial, pour moi cet album est juste absolument parfait. Rorqual, ensuite le groupe de Blackening Sludge post-hardcore qui nous vient de Suisse, actif depuis bientôt vingtaine d'années, vient de sortir là son 6ème effort studio, 40 minutes de musique ultra malsaine, éprouvante, c'est haineux, viscéral. Voilà, imaginez un bon crossover entre Amenra et Céleste, le tout de manière plus intense et blackened. Au niveau de la diff musicale, on s'envoie tout de suite Victory as a Thousand Feathers Defeat is an Orphan, c'est l'album Oh It Ends de Primordial, Rorqual ensuite The Worst in Everything, et c'est l'album Silence, et tout ça bien sûr c'est déjà disponible, c'est parti. We'll be right back. Doublette suivante, toujours pas de gentillesse à l'horizon, avec une autre nouveauté. Tout d'abord, les Colombiens de Internal Suffering, le groupe de Brutal Death qui sort son nouvel effort studio chez New Standard Elite. C'est concis, c'est radical, c'est violent, et on s'écoutera le titre Rites of Immortality. Grove Street, ensuite, voilà, groupe qu'on a pu apprécier au Ripfest cette année, au mois de juillet. Guilt Trip qu'on a vu il y a un ou deux ans, je ne sais plus. The Path of Righteousness, le titre de l'album de Grove Street, pour le coup, qui tire sur cette sortie studio. Voilà, on est toujours sur un bon crossover trash hardcore, ça nous vient de Southampton. On se titre pour une bonne trentaine de minutes. Dans les influences principales, on peut aller d'un Suicidal Tendencies jusqu'à un Power Trip. C'est plutôt bien old school et très efficace sur la durée, ce premier album studio de Grove Street. On s'écoutera d'ailleurs le titre Hunting Season. C'est parti. We'll be right back. La doublette à venir va faussement nous permettre de respirer. Une autre nouveauté, là, une autre formation suisse d'ailleurs, Storturn, qui nous sort l'album Finitude. On est sur du toujours Melodic Black Death, actif depuis une quinzaine d'années. C'est donc leur sixième album studio, 8 titres pour 45 minutes de leur recette toujours aussi riche et, ma foi, vraiment très variée et inventive, le Melodic Black Death de Storturn. C'est brutal, c'est raffiné, c'est toujours bien sûr très cohérent dans les ensembles. C'est pas de la démonstration technique, mais on a quand même un sacré level au niveau de la maîtrise des Icos. Et en doublette, on reste de ce côté-là de l'Europe, hein, un peu plus au nord, Vengeance, groupe de True Heavy Speed qui nous vient de Pologne, actif depuis une demi-douzaine d'années. Ils sortent là leur premier album studio chez Dying Victim Production. Ça bave les années 80, c'est sale, ça va vite, c'est hyper efficace. Grosse inspiration de la scène allemande bien old school. Voilà, avec un chant par-dessus ça, bien crasseux, rocailleux, à la sauce Lemmy Kilmister. Les présentations sont faites, au niveau de la musique, on s'écoutera Lost Battle Rages On, extrait de l'album Finitude de Storturn, Vengeance, le titre sera intitulé Vengeance, extrait de l'album Sewer Surge, et c'est parti. place that comes from his every pressure. Nothing feels as good, facing what is mine. We found the secret door, they ran around the night. I want to find the war of this other realm too. And I don't think it's true, so there's no way we can go. Toujours à l'écoute d'Hellbanger, l'émission métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Doublette suivante, encore une nouveauté. Tout d'abord, Moonlight Sorcery. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette formation qui nous vient de Finlande? Un power trio assez récent qui a vu le jour en 2018. Deux EP sont sortis coup sur coup l'année dernière et là donc c'est leur premier véritable album studio. On est sur du black mellow très heavy. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Par exemple, on est sur une version black d'une sauce Tyrion of Bodom, donc voilà, avec cette grosse base extrême, et il y a beaucoup, beaucoup de place laissée aux guitares, il y a des leads et des solos à fond les ballons hyper mis en avant, donc voilà, il y a même une petite touche presque néoclassique, tant ça joue bien, c'est ultra catchy dans le résultat, sans être toujours démonstratif, et c'est ce qu'on aime bien avec des icos qui ont de la technique. La montrer, mais pas non plus n'en faire que des caisses. Rebellion ensuite, là la technique est tout autre, on est sur quelque chose de beaucoup plus frontal et radical. Un power trio qui nous vient du Brésil, hein, un petit peu le petit frère des autres Brésiliens de Krishun. C'est brutal, c'est efficace, c'est bien groovy. Voilà, puis le groupe n'en est pas à son coup d'essai. une sortie Agonia Records. Voilà, un bon crossover en plus musical entre Krishun, Angel Corpse et les vieux Dayside et autres Morbid Angel. Au niveau de la musique, donc Moulin Sorcery in Coldest Embrace, extrait de l'album Onlord to the Thorn Castle, Rebellion, Hostile Presence, extrait de l'album Under the Sign of Rebellion. Et tout ça, on se l'écoute maintenant. We'll be right back. On attaque l'aspect française à grands coups de pied-bouche avec tout d'abord les nordistes de Sick Nerves, le très bon groupe de heavy hardcore beatdown qui nous sort un très très bon premier album, un nouvel EP, pas encore, ce serait bien qu'ils s'y mettent. Voilà, une vingtaine de minutes ultra vénère. Sick Nerves, c'est pareil, on a pu largement les apprécier sur la scène du Ripfest cet été. Je leur souhaite tout le meilleur pour la suite parce que c'est des gars extra et que leur musique l'est tout autant. Karas ensuite, là on est sur une autre nouveauté, du Death Grind à la sauce Power Violence, deuxième album qui vient de sortir. Karas c'est un line-up qui vient d'un peu nulle part, même si les Icos sont connus, ils viennent pas du tout de cet horizon aussi extrême, donc c'est super cool de les voir se retrouver là, parce qu'en plus ça tabasse. On retrouve Yann de Massistaria à la guitare, Étienne qui a été connu pour être le cogneur pendant 20 ans de Acme. C'est vrai que j'étais même il y a très longtemps tombé sur des interviews de lui où il arrêtait pas de dire que son truc c'était le grindcore. Et Diego Jansson, ex-guitariste fondateur du groupe Sickbag, que l'on retrouve là à la voix et à la basse. Voilà, 14 titres pour une vingtaine de minutes. Ça va chercher dans le vieux grind des 90s, dans le vieux grindcore des 90s, avec du death et du crust un peu 10 bits. Et au passage, la référence au nom du groupe vient du père Damien Karas dans L'Exorciste. Et voilà, son adaptation cinématographique, donc on est sur du grind vraiment bien senti. Sickners, le titre Cold, extrait de l'album No Lost Love. Karas, la doublette Prelude to the Death, extrait de l'album The Poison Die Young, avec donc Prelude to the Death et A Chaplain Breath. Si j'oublie la moitié des titres, on va pas s'y retrouver, c'est parti. We'll be right back. there? Seize him! Punish him! Cut him down! I command you! I am the word and the keeper of his laws! Disobedience to me is disobedience to him! Do it now or your punishment shall be a thousand times, a thousand deaths, each more horrible than the last! Come.